Direction Genève pour la une francophone du 64 minutes. Le prix Kourouma a été attribué à un jeune auteur camerounais. Bonjour Max Loeb, merci d'être avec nous en duplex de Genève. Bonjour à vous, c'est un plaisir. Vous venez de remporter donc le prix Amadou Kourouma, décerné par le Salon du Livre de Genève. C'est Amadou Kourouma, il faut le rappeler, était un grand écrivain ivoirien décédé en 2003. Il avait notamment reçu le prix Renaudot en 2000 pour son livre Allah n'est pas obligé. Alors vous-même, vous êtes un jeune écrivain camerounais, vous avez 31 ans, vous vivez en Suisse depuis 13 ans, je pense, et votre livre s'appelle Confidence au pluriel. Plus. Ce sont les confidences d'une vieille femme, Ma Maliga, qui dévoile peu à peu l'histoire du Cameroun et de sa lutte pour l'indépendance, c'est ça ? Exactement, c'est l'histoire, c'est la petite histoire dans la grande. C'est d'abord un livre sur le retour qui est le mien vers mon pays, le Cameroun, sur les traces de Oumniobé. Et là, je rencontre une dame qui est tout à fait magnifique malgré son âge avancé. Elle boit beaucoup de vin de palme et puis elle me raconte son histoire d'abord à elle et puis l'histoire de Oumniobé, l'histoire de la guerre des indépendances du Cameroun. Oui, justement, cette guerre pour l'indépendance du Cameroun, c'est une guerre cachée, c'est une guerre qu'on ne connaît pas, notamment en France. Et vous avez eu envie d'écrire votre livre, j'ai lu quelque part, après avoir découvert un autre livre qui s'appelle Cameroun avec un K. Il faut le rappeler que le Cameroun avait d'abord été un protectorat allemand. C'est un livre qui raconte justement cette guerre cachée. Oui, alors aujourd'hui on commence à en parler, mais gentiment, sans toutefois apporter une touche scientifique, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'histoire et puis il y a la mémoire. La mémoire, elle est fortement politique, et puis l'histoire, elle est scientifique. Alors pour un auteur, ce que moi je fais, c'est de m'insérer dans la ligne historique et scientifique. Donc j'ai dû me baser sur le travail des scientifiques comme Thomas Deltombe, comme Jacob Tatista, Achille Bembe et les autres, et puis recueillir les témoignages notamment de Ma Maliga. Mais le travail est loin d'être accompli. Moi, ce que je souhaite de tous mes voeux aujourd'hui, c'est que justement ce livre Confidence, celui que j'ai entre mes mains aujourd'hui, puisse se retrouver entre les mains de tous les jeunes Camerounais, afin qu'ils puissent comme ça savoir exactement quelle a été l'histoire récente de leur pays qu'ils aiment et que nous chérissons tous. Max Loeb, c'est une guerre cachée qui a fait beaucoup, beaucoup de morts, des dizaines, peut-être des centaines de milliers. Vous avez un chiffre ? Alors, écoutez, les statistiques les plus clémentes pour les historiens qui s'y sont appuyés, on parle de 300 000 morts, les plus clémentes des statistiques, avec l'utilisation notamment du napalm, de la torture et puis des camps de concentration. Je voudrais préciser ici qu'il faut faire une différence entre les camps de concentration et les camps d'extermination. Mais les pratiques utilisées en Indochine, en Algérie, ont été les mêmes qui ont été utilisés au Cameroun avec beaucoup, beaucoup de mal, beaucoup de séquelles qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans les villages que j'ai visités. Merci Max Loeb. Je rappelle donc le titre de votre livre. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement pour parler de ce très beau livre, Confidence, aux éditions Zoé. Merci et félicitations encore pour votre prix Kourouma. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous. Au revoir. Avec plaisir.